En Corée, ces 5 derniers ans, depuis le grand deuil national dû au décès subi du père de la nation, est manifestée la noble obligation morale de tous les militaires et civils qui veulent honorer de génération en génération le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il comme soleil du Jutsu. À l'occasion du 100e anniversaire de naissance du président, on a érigé sur la colline Mansu les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Les Coréens ont construit également les statues des grands hommes dans tout le pays, comme la province du Tagang. La statue en bronze du général Kim Jong-il est mise sur pied à l'arrondissement de Samdion, son pays natal et lieu sacré du départ de la révolution coréenne, et les statues en bronze des grands leaders sont érigées à l'Académie militaire interarmes Kim Il-sung, au ministère des forces armées populaires, au haut lieu révolutionnaire de Gunza, à l'université Kim Il-sung, à l'école révolutionnaire de Mangyongdae, à l'Académie nationale des sciences, au ministère de la sécurité du peuple, etc. On a construit au centre de création artistique Mansudae, pour la première fois dans l'histoire de notre parti et de notre révolution, les statues en bronze des grands leaders montés à cheval. On a érigé sur la colline Changdaesae à la capitale Pyongyang, dans les provinces, villes et arrondissements et dans beaucoup d'unités d'activité de tout le pays, comme la mine Dunpa, les fresques mosaïques sous thème « Le camarade Kim Il-sung, grand leader, est toujours avec nous. Le camarade Kim Jong-il, grand dirigeant, est toujours avec nous. » Et au sommet du mont Baekdu. Les monuments et stèles aux faits révolutionnaires et aux inspections qui transmettent les exploits mortels des grands hommes Baekdusan sont mis sur pied dans beaucoup d'unités d'activité, comme la fonderie de Danchun, le palais des enfants de Mangyongdae et la ferme coopérative maraîchère de Kuryong de la ville de Sadiwon.